Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour ActuVu, votre émission d'actualité hebdomadaire préférée. On a de tout nouveaux jingles que vous allez découvrir tout au long de cet épisode. Au programme aujourd'hui, Louise va revenir sur le plan sécurité pour la chasse présenté par le gouvernement. Pour son tout premier passage au micro cette saison, Bérénice va vous expliquer pourquoi la COP28 fait déjà débat avant son coup d'envoi. Apolline détaillera les enjeux de la future réforme des retraites. Corentin décryptera la crise qui secoue en ce moment la tête du football français. Enfin, on reçoit Diego Calmar en fin d'émission. Il va vous présenter son métier de correspondant à l'étranger, mais avant d'aborder tout ça, c'est l'heure d'affloter avec Colline. Une loi peut en cacher une autre. Cette semaine, on a beaucoup entendu parler de la réforme des retraites, mais une autre loi a été présentée à l'Assemblée nationale, celle sur les énergies renouvelables. Le Parlement l'a adoptée en première lecture après avoir reçu le soutien du groupe socialiste. Parmi les mesures phares, le développement de l'éolien en mer et l'installation d'un observatoire des énergies renouvelables. Lui ne va pas passer inaperçu à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens devrait y revenir dans l'hémicycle en avril, mais Alexis Corbière, député LFI, conditionne son retour. Au bout des 4 mois d'exclusion, un nouveau débat au sein du groupe parlementaire sera tenu. L'élu du Nord, absent depuis septembre 2022, a été condamné pour violence conjugale. Nicolas Sarkozy, encore sous le feu des projecteurs, l'ancien président de la République aurait été rémunéré par le Kremlin pour vanter les mérites de Vladimir Poutine. C'est ce qu'a dévoilé Mediapart dans une enquête publiée mercredi 11 janvier. « J'ai toujours été un ami de Vladimir Poutine », avait-il déclaré en 2018 lors d'une conférence à Moscou, après avoir reçu un virement de 200 000 euros. Ça plane toujours pour Airbus. L'entreprise est pour la 4e fois consécutive le leader mondial de l'aviation civile en 2022. Son grand rival Boeing le suit de près. 661 livraisons pour le français contre 480 pour l'américain. Petit bémol, Airbus n'a pas atteint ses objectifs initiaux de 700 commandes, revus à la baisse en juillet. George Pell est mort à l'âge de 81 ans. Le cardinal australien est décédé mardi d'une complication cardiaque après une opération. Acteur majeur du pontificat François, on se rappelle de lui pour toute autre chose. Il a été accusé d'agression sexuelle sur 2 enfants de cœur dans les années 1990. À la suite d'un procès en Australie, il avait été enfermé pendant 440 jours. Une cérémonie à l'américaine, la 48e édition des Césars sera présentée par une collégiale de présentateurs. Une première, 5 acteurs et 6 actrices se prêteront au jeu de la présentation le 24 février prochain. Leïla Bekti, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Ei Haidara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Silla. Un beau bouquet de comédiens présidé par Tahar Rahim. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, mais qui elle est celle-là? Quelle indignité. Il y a 2 ans, Morgan Keane, 25 ans, était abattu d'un coup de fusil par un chasseur. Jeudi, l'auteur du tir mortel a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Nous sommes le 2 décembre 2020, alors qu'il coupait du bois chez lui, Morgan Keane a été tué par un chasseur, et sa mort est aujourd'hui devenue emblématique. Elle témoigne des difficultés de cohabitation entre les chasseurs et les civils. Et comme tu l'as dit, Paul, ce jeudi 12 janvier, le tribunal correctionnel de Cahors a condamné l'auteur du tir, un avironné de 35 ans, à 2 ans de prison avec sursis. Le directeur de Battu a lui aussi été condamné à 18 mois avec sursis, pas de prison ferme donc. Cette affaire avait tout de même relancé le débat autour de la chasse. Le gouvernement a sorti lundi un nouveau plan, vivement critiqué d'ailleurs par l'association Un jour, un chasseur, une association créée par des amis de la victime qui demande un jour sans chasse par semaine. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, a annoncé 14 mesures visant à rendre la pratique de la chasse plus sûre. Contrôle de taux d'alcoolémie, meilleure formation des chasseurs, application pour voir la chasse en temps réel près de chez soi, la liste est longue. Et finalement, la chasse ne sera pas interdite le dimanche. Pour rappel, l'Office français de la biodiversité a recensé 90 accidents de chasse pour la saison 2021-2022. C'est 10 de plus que l'année d'avant. Si le plan satisfait les chasseurs, les opposants dénoncent quant à eux des mesures insuffisantes et soulignent l'absence de débat autour de la biodiversité. Mais le combat n'est pas fini, le sujet pourrait revenir dans le débat. Le député écologiste Charles Fournier a déposé une proposition de loi. Il reprend une des mesures phares du programme de Yannick Jadot pour interdire la chasse les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Le travail de mémoire entre Paris et Alger ne passera pas par un mea culpa. Dans un entretien avec Le Point, Emmanuel Macron estime ne pas avoir à demander pardon pour la colonisation. Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte. Et c'est bien au contraire soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable et peut-être de l'impardonnable. Ce sont les mots du président de la République. S'il ne s'excusera pas, il espère recevoir son homologue Abdelmadjid Tebboune en France en 2023. Le but, poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. La question des excuses est d'ailleurs au cœur de la relation et des tensions entre eux. En 2020, l'Algérie avait accueilli le rapport de l'historien français Benjamin Stora, préconisant une série de gestes pour tenter de les réconcilier, tout en excluant repentance et excuses. Le procès en appel du scandale du Mediator s'est ouvert ce lundi au Palais de Justice de Paris. Les débats vont durer près de 6 mois avec 7500 parties civiles. En 2021, le groupe Servier, dont est issu le médicament Mediator, avait déjà été condamné à 2,7 millions d'euros d'amende pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. De 1976 à 2009, le Mediator a été prescrit comme un coupe-faim afin de lutter contre le diabète. Il a provoqué des effets secondaires cardiaques et pulmonaires sur des milliers de patients. La première décision, qui a notamment relaxé le groupe pharmaceutique du chef d'accusation d'escroquerie, n'a pas satisfait certaines victimes. Ce nouveau procès va rejuger Jean-Philippe Seta, l'ex numéro 2 du groupe, et l'entreprise Servier en tant que personne morale. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Bérénice, on a appris cette semaine où se déroulera la COP28 en 2023, et c'est quelque peu surprenant. Et oui, Paul, il a été décidé que la 28e édition de la COP se tiendra à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, et ce sera du 30 novembre au 12 décembre prochain. Ce pays du Golfe, c'est l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde. Pour rappel, la COP, ça signifie Conférence des Parties, et c'est une réunion annuelle où 195 États fixent les objectifs climatiques mondiaux. Alors, l'organiser à Dubaï, c'est quelque peu ironique. La nomination du nouveau président a aussi fait grincer des dents. Tu peux nous expliquer, Bérénice ? Et oui, cette semaine, nous avons appris que ce sera le sultan Al-Jaber qui présidera la COP28. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à cela ? Le sultan Al-Jaber est le président du géant pétrolier ADNOC, ou plutôt Abu Dhabi National Oil Company. C'est également le ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, et c'est ce même homme qui estime à plus de 600 milliards de dollars par an les investissements nécessaires dans l'industrie pétrolière et gazière d'ici 2030 pour répondre à la demande mondiale. Quand on sait que le changement climatique est principalement causé par l'utilisation des énergies fossiles, eh bien il y a de quoi s'interroger sur sa nomination. Ce choix n'était d'ailleurs pas vraiment anodin puisqu'il dirigeait déjà la délégation émiratie lors des deux précédentes COP. On reste à l'international, mais cette fois on change de continent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Algérie, Bérénice ? Mardi, 16 patrons de presse réunis avec Reporters sans frontières ont appelé à la libération d'Irsan El Kadhi. Il a été directeur de Radio M et de Maghreb émergent. Le 24 décembre, il est arrêté à son domicile et il est placé en détention provisoire quelques jours plus tard. Irsan El Kadhi fait l'objet d'une enquête pour collecte illégale d'argent destinée à porter atteinte à la sûreté de l'État. Pour RSF et les 16 patrons de presse, cette incarcération est une attaque intolérable contre la liberté de la presse en Algérie. En 2022, l'Algérie se trouve d'ailleurs au 134e rang sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse de RSF. En France, deux patrons de presse sont signataires, Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, et Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Des noms qu'il faut retenir pour les concours. On continue notre voyage au Pérou. Une enquête pour génocide a été ouverte contre la présidente. Le mouvement de contestation contre le pouvoir au Pérou n'est pas prêt de s'arrêter. Les manifestants réclament la démission de Dina Boluarte. Pour rappel, elle a été élue le 7 décembre dernier à la suite de la destitution de Pedro Castillo par le Congrès. Pedro Castillo a lui été accusé de tentative de coup d'État pour avoir voulu dissoudre le Parlement qu'il s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Cette crise péruvienne est d'une grande violence, elle a commencé il y a un mois et on compte déjà 42 morts, dont un policier brûlé vif par la foule. Il y a aussi 600 blessés. C'est la procureure du Pérou, Patricia Benavides, qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire contre la présidente. Cette enquête concerne des faits de génocide, homicide qualifié et blessures graves, commis pendant des manifestations des mois de décembre 2022 et janvier 2023 dans plusieurs départements. La plupart des régions du Pérou sont touchées par ces manifestations, non ? Oui, tout à fait. Les manifestants sont plus ou moins nombreux dans les régions. Les routes sont bloquées, par exemple, dans seulement 6 départements. Mais celui de Puno reste l'épicentre des protestations. Il est proche de la frontière avec la Bolivie, qui compte le plus de représentants du peuple Aymara, une minorité ethnique. En ce moment, vous l'aurez remarqué, on ne parle que de la réforme des retraites. Mardi, la première ministre Elisabeth Borne a enfin présenté le projet de loi qui fait tant débat. Mais Apolline, concrètement, c'est quoi cette réforme ? Parce que moi, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et tu n'es pas le seul, Paul. Selon Elisabeth Borne, c'est un projet d'équilibre, de justice et porteur de progrès social, mais c'est surtout un projet très contesté par les syndicats et de nombreux Français. L'idée du gouvernement, c'est d'éviter les milliards de déficits qu'il pourrait y avoir d'ici 2030. Mais alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette réforme, finalement ? Il y a plusieurs points importants. Un des plus emblématiques, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Jusqu'ici, on pouvait arrêter de travailler à 62 ans. Mais attention, ça va se faire progressivement. C'est-à-dire que chaque génération prendra un trimestre supplémentaire. Donc ceux qui sont nés en 1961 pourront partir à la retraite à 62 ans et 3 mois. L'âge de départ de 64 ans sera donc atteint en 2030. Ok, mais concernant la durée de cotisation, ça bouge aussi, non ? Alors oui, la durée de cotisation va aussi augmenter progressivement. Elle est nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire 50% du salaire annuel qu'on gagnait. Il faudra maintenant cotiser 43 ans pour l'obtenir. Évidemment, toutes ces conditions changent pour ceux qui ont ce qu'on appelle des carrières longues, mais là encore, la réforme fait évoluer leurs droits. Si tu as commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, par exemple, tu ne pourras pas partir à la retraite à 60 ans, mais tu devras attendre 62 ans maintenant. Et il y a un facteur dont on parle également beaucoup, c'est la pénibilité. Quand on a un métier dit pénible, on cumule des points pour partir plus tôt à la retraite. Ce dispositif va être élargi à de nouveaux salariés, comme les travailleurs de nuit par exemple. En revanche, il y a un autre point important, ce sont les régimes spéciaux. C'est là-dessus notamment que ça bloque. La plupart d'entre eux vont disparaître, comme ceux destinés aux salariés de la RATP, d'EDF ou de la SNCF. Mais les régimes qu'on appelle autonomes, comme les professions libérales, ne changeront pas, et pareil pour les fonctionnaires. Tiens, j'ai vu aussi que la pension de retraite allait être revalorisée à 1200 euros. Tout à fait. Ça va permettre à 2 millions de personnes qui touchent une petite retraite de l'augmenter. Alors le gouvernement espère que ce projet de loi sera voté à l'Assemblée 149-3. Pour ça, il souhaite passer un accord avec les Républicains. Mais c'est sans compter le mécontentement et la résistance des syndicats qui appellent d'ores et déjà à une grève puissante le jeudi 19 janvier. Et sans transition, tu nous donnes des nouvelles des Balkany. Oui, pour rappel, Patrick et Isabelle avaient été jugés en 2019 pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. L'ancien maire de Levallois avait d'abord été condamné à 4 et 5 ans de prison pour chacun des dossiers et son épouse à 3 et 4 ans. Et puis ils ont fait appel. Alors en 2020, leur peine avait un peu baissé pour la fraude fiscale, mais pour le blanchiment d'argent, pas de chance, ça n'avait pas bougé. Bref, ils se sont pas dégonflés, ils sont revenus devant la Cour de cassation en octobre 2022. Le résultat est tombé cette semaine, les peines ont finalement été allégées. 4 ans et demi pour Patrick et 3 ans et demi pour Isabelle. En revanche, ils pourraient perdre leur demeure à Giverny. Patrick a affirmé être au bout du rouleau, affaire à suivre. On parle maintenant d'un sondage plutôt alarmant. Si je te dis que la science pourrait nous faire plus de mal que de bien, qu'est-ce que t'en penses ? Alors j'étais en L au lycée, mais je ne suis pas d'accord. Pourtant, c'est ce que pensent 17% des jeunes qui ont entre 18 et 24 ans. L'image rassurante de la science s'est dégradée ces dernières décennies. Un sondage IFOP publié mardi affirme que la proportion des jeunes qui perçoivent positivement la science a chuté de 22% depuis 1972. Mais comment ça se traduit alors ? 25% des jeunes pensent, par exemple, qu'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. Ou encore, 19% d'entre eux sont persuadés que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. Les jeunes croient aux phénomènes occultes et leur défiance envers la science ne cesse de croître. Comment on l'explique ? Une des raisons qu'on peut citer, c'est l'usage massif des réseaux sociaux. Les vérités alternatives auxquelles les jeunes croient prennent racine sur ces réseaux. En s'informant via TikTok ou Snapchat, ils ont plus de difficultés à vérifier les informations qu'on leur donne. Et presque la moitié des jeunes qui utilisent TikTok pensent que si un influenceur a beaucoup d'abonnés, il constitue une source sûre d'informations. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. La Fédération française de football est dans la tourmente depuis une énième sortie polémique de son président Noël Le Graët. À l'issue d'un comité exécutif extraordinaire, il a été mis en retrait. Corentin, tu reviens sur cette longue affaire. On ne pensait pas autant parler de Noël en janvier, et pourtant, invité d'RMC dimanche, le président de la FFF, Noël Le Graët, a expliqué n'en avoir rien à secouer de l'avenir de Zinedine Zidane, que ce soit à la tête d'un club ou d'une sélection. Une déclaration quelques jours après l'annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026. Très vite, de nombreuses personnalités ont exprimé leur colère face à ces propos, et notamment un certain Kylian Mbappé. Et c'est peut-être ça qui a déclenché le tollé énorme qui a suivi. La star des Bleus, Kylian Mbappé, s'est exprimé dans un tweet. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Bilan, 100 millions de vues. Même si le président Le Graët s'est excusé le lendemain, parlant de propos maladroits, un comité exécutif est convoqué mardi dernier, sa mise en retrait est prononcée jusqu'à la publication des résultats d'un audit. Car attaquer Zizou n'est pas la seule raison de sa mise en retrait. Un audit de contrôle a été demandé par le ministère des Sports après une enquête accablante. Une enquête de SoFoot en septembre dernier pointe en effet les dysfonctionnements de la FFF. Noël Le Graët aurait envoyé des messages à caractère sexuel à des employés de la Fédé. Et cette semaine, Sonia Souïd, agent de joueur, a dénoncé les pratiques de Noël Le Graët. Un témoignage édifiant, il m'a regardé comme deux seins et un cul, a-t-elle déclaré. Un long calvaire de 4 ans ponctué par des SMS insistants. On peut rajouter à ça que pour lui, l'homophobie dans les stades n'existe pas. Le résultat de l'audit est attendu pour la fin du mois de janvier. Florence Hardouin, directrice générale de la FFF, a également été mise à pied. Suite à cette décision, elle a fait un malaise à son domicile et a été hospitalisée. Un infarctus lui a été diagnostiqué. Et concernant la présidence de la Fédé, c'est Philippe Diallo, ancien dirigeant de l'Union des clubs professionnels de football, qui prend l'intérim. Combien vont coûter les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ? Les magistrats ne le savent pas et jugent incapables d'évaluer le coût de l'événement. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport qu'ils ont présenté mardi aux parlementaires, et ce jusqu'à ce que la Cour refasse un examen du budget qui se devra d'être rigoureux. Ce qui préoccupe le plus les magistrats, c'est l'équilibre budgétaire. Il s'établit aujourd'hui à 4,38 milliards d'euros. Le comité d'organisation estime que ces dépenses supplémentaires seront couvertes par la billetterie et le sponsoring, mais insuffisant à calmer les incertitudes des magistrats. Du côté des sites olympiques, qu'ils existent déjà ou pas encore, tous seront livrés dans les temps, même si c'est tendu selon la Cour des comptes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus aucun retard ne sera toléré sous peine de risques financiers importants. La question de la sécurité interroge aussi. Un travail colossal quand on sait que la cérémonie d'ouverture se déroulera le long des berges de la Seine, sur 6 km et devant 600 000 personnes. Le festival des Déferlantes cherche une nouvelle terre d'accueil. L'affaire avait déjà fait beaucoup de bruit chez les habitués du festival. Début janvier, les organisateurs publient un communiqué pour annoncer le déménagement de Céré à Perpignan. Alors jusque-là, rien d'anormal, des histoires de conflits comme cela existent, jusqu'à ce que le maire de Perpignan se félicite de la venue du festival dans sa ville. Un maire bien connu, puisqu'il s'agit de Louis Alliot du Rassemblement National. Et c'est là le problème. Des artistes comme Indochine ou Louise Attaque ont fait part de leur colère et menacé de ne pas se produire dans cette ville, ou quand on accepte par erreur une invitation. Sans artistes, pas de festival. Quelques jours après, la direction a annoncé renoncer à un déménagement à Perpignan, un cadre également moins accueillant que les vignes des années précédentes pour de nombreux internautes. Les organisateurs se sont donc mis à la recherche d'un nouveau lieu. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Après Laura Motté et Le Monde la semaine dernière, Bruno, t'es resté dans le domaine de la presse écrite pour l'invité de la semaine. Et oui Paul, du coup on est avec Diego Calmar, pigiste pour plusieurs médias français. Normalement il est correspondant au Mexique où il travaille, mais aujourd'hui il est en France pour faire la promotion de son livre. Salut Diego, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles ? Alors je m'appelle Diego Calmar, j'ai 31 ans et je suis correspondant de presse au Mexique, donc je suis basé à Mexico et je travaille sur le Mexique et l'Amérique centrale. Pour quel média du coup ? Je suis le correspondant du journal La Croix, de Ouest France, de la Tribune de Genève. Et ensuite, de temps en temps, je fais des piges pour différents magazines. Voilà. Ok, du coup, comme toi, t'es pigiste, t'as pas vraiment de journée type. C'est plutôt, tu travailles un peu quand on a envie et quand on a le besoin, c'est ça ? Je pense qu'il y a plusieurs modèles, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment d'horaire fixe. On va dire qu'il y a des semaines où je vais être un peu plus régulier, je vais travailler tous les matins et un petit peu l'après-midi. Il m'arrive de travailler le dimanche et de ne pas travailler le lundi ou le mardi. J'avoue que je ne calcule pas forcément. Ça dépend parfois de l'actu, ça dépend parfois de ma vie perso. En plus de cette liberté, du coup, pour toi, c'est quoi les autres avantages du métier de correspondant ? Ce que j'aime du métier de correspondant, c'est que je pense que ce que je fais, je le ferais jamais si j'étais en France. Je fais des reportages dans une société qui n'est pas la même que la société française et si tu es avide de curiosité et de choses nouvelles, c'est le top. La correspondance, ça te permet de travailler pour des médias pour lesquels je n'aurais pas travaillé si j'étais resté en France. Donc finalement, ça m'a donné des opportunités assez incroyables. Et en termes d'expérience humaine et expérience de reportage, des choses inoubliables. Et comment on accède au métier de correspondant ? Quand on arrive un peu de nulle part et qu'on veut faire correspondant, comment on s'y prend ? Ce qui est important, c'est d'analyser le territoire, si je peux dire, là où tu vas aller, essayer de voir où est-ce qu'il y a de la place, où est-ce que tu peux travailler, les médias disponibles. Aussi, ça dépend de la zone géographique, est-ce qu'elle te correspond personnellement. Il faut parler la langue, connaître un minimum la culture. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste de la région, mais c'est toujours mieux. Mais surtout, ce que je dirais et ce que je conseillerais, c'est vraiment appréhender l'endroit où tu vas aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir déjà un média qui va te faire travailler, mais c'est très compliqué selon moi de débarquer dans un pays et de ne pas être préparé, de ne pas avoir regardé qui était le correspondant de quel média et de savoir s'il y avait de la place ou non pour couvrir, au risque de se retrouver tout nu en débarquant dans ce pays-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire du journalisme, qui veut rentrer dans une école et qui a envie de devenir journaliste de profession ? Je pense que déjà, il y a vraiment beaucoup de façons différentes de faire du journalisme, que ce soit le format, que ce soit le média utilisé, radio, télé, presse écrite, web, et aussi les thèmes que tu vas toucher. Déjà, je dirais, premièrement, il faut être curieux. Il y a des bonnes surprises. Parfois, tu peux partir avec un goût pour la télé et tu vas devenir une superbe plume pour l'écrit, ou tu vas développer des qualités de présentation. Donc, j'ai envie de dire qu'il faudrait être curieux, essayer de toucher à tout un petit peu au début. Pas forcément dans le but de tout faire, mais en tout cas dans le but de vraiment choisir sa voie à un moment où tu devras le faire. Merci à vous de nous avoir écoutés. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci à Julie à la technique, à Charline qui assure derrière le montage, ainsi qu'à toute l'équipe de l'épisode d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. En attendant, prenez soin de vous, restez informés et à samedi prochain sur ActuVu.